بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence ce soir inshallah ta'ala ce dernier cours dans l'explication de Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Le dernier chapitre, la parole de l'auteur qui dit بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Le chapitre concernant la parole d'Allah le très haut, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Alors qu'au jour de la résurrection, وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَحَتُ الْعَوَاكَاتُ. Alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée. Ici, barakallahu fikoum, mon cher frère, l'auteur, dans ce chapitre, le dernier chapitre du livre, il nous montre un point essentiel. Tous ceux qui sont tombés dans le polythéisme, tous ceux qui ont dévié dans les sujets que nous avons abordés tout au long de ce livre, n'ont pas estimé Allah tabaraka wa ta'ala comme il devrait l'être. Et c'est ce qu'on verra, incha'Allah ta'ala. Et donc l'auteur ici, dans ce hadith, dans ce récit, dans ce chapitre, il nous montre la grandeur d'Allah azza wa jal. Il nous montre la grandeur d'Allah Azza wa Jal, notamment à travers ce verset dans lequel on voit qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, au jour de la résurrection, il fera de la terre tout entière, cette terre sur laquelle nous vivons tous, cette terre sur laquelle nous marchons, il fera de la terre tout entière une poignée. Et donc ça nous montre la grandeur et la puissance d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et ça nous montre aussi, wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, ça nous montre aussi que nous devons nous préparer pour ce jour terrible. Le jour de la résurrection, yawm al-qiyam. Ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, An ibn Mas'udin radiallahu anhu kal, Ja'a habrun min al-ahbari ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa kal, يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبري. Et donc Ibn Mas'ud radiallahu anhu, donc ce hadith, déjà premièrement, il faut savoir qu'il est dans As-Sahihayn, il est dans Sahih al-Bukhari et Muslim. Ibn Mas'ud radiallahu anhu qui dit que un rabbin parmi les rabbins est venu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô Muhammad, nous trouvons dans nos textes que Allah subhanahu wa ta'ala fera que les cieux seront sur un doigt. Les cieux sur un doigt. Ainsi que les terres tout entières sur un doigt. Les arbres sur un doigt. L'eau sur un doigt. Ainsi que la terre sur un doigt. Wa sa'ir al-khalq. Et ensuite les autres créatures toutes sur un doigt. Et ensuite il dira tabaraka wa ta'ala ana al-malik, je suis le roi suprême tabaraka wa ta'ala. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ri, il a rigolé, à tel point qu'on a vu apparaître ses dents. Il a rigolé pour confirmer ce qu'a dit ce rabbin. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, wa ma qadarullaha haqqa qadrih, والارض جميعا قبضته يوم القيامه. Et ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être, alors que au jour de la résurrection il fera de la terre entière une poignée. Wa fi riwayatin li muslim wal jibala wash shajara ala isbi' thumma yahuzuhunna fayaqulu ana al malik ana Allah. Dans une narration dans le Sahih de l'imam Muslim, Allah tabaraka wa ta'ala placera les montagnes et les arbres sur un droit. Et ensuite il va les secouer et il dira: je suis le roi, je suis Allah. Wa fi riwayatin al-Bukhari wa yaj'alu as-samawati 'ala isbi' wal ma'a was-sara 'ala isbi' wa sa'ira al-khalqi 'ala isbi'. Akhraja. Et dans une narration dans le recueil de l'imam al-Bukhari, Allah tabaraka wa ta'ala mettra les cieux sur un droit, ainsi que l'eau sur un droit, ainsi que donc les autres créatures sur un droit. Rapporté donc par Al-Bukhari et Muslim. Il continue l'auteur, il nous dit: Wali Muslimin, an ibn Umar marfu'an. Et dans le recueil de l'imam Muslim, d'après Ibn Umar, qu'il attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit: Yatwillahu samawat yawm al-qiyamah. ثم يأخذهنا بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que Allah tabaraka wa ta'ala va plier les cieux au jour de la résurrection. Il va plier les cieux et il va les saisir par sa main droite. Puis il dira: je suis le roi. Où sont ceux qui se croient puissants, al-jabbaroun? Où sont les orgueilleux? Summa yatwil aradina sab'a. Et ensuite il va aussi plier les sept terres. Summa ya'khudhuhunna bi shimalihi. Et ensuite il va les saisir par sa main gauche. Summa yaqulu ana al-malik. Et ensuite il dira: je suis le roi. Ayna al-jabbarun. Où sont ceux qui se croient puissants? Ayna al-mutakabbirun. Où sont les orgueilleux? Et donc tous ces textes, barakallahu fikum, nous montre la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala et la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, et que personne ne mérite l'adoration en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'il nous montre. D'ailleurs, si on regarde tout le verset qu'on a vu tout à l'heure, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma qadarullah haqqa qadri, ils n'ont pas estimé Allah comme ils devraient l'être. والارض جميعا قبضته يوم القيامه, alors que la terre tout entière il en fera une poignée au jour de la résurrection. والسماوات مطويات بيمينه, et les cieux seront pliés dans sa main droite. سبحانه وتعالى عما يشركون, pureté à lui, il est bien au-dessus de ce qu'il lui associe. Et donc ici, on voit dans ce chapitre, barakallahu fikoum, que personne ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est lui le Tout-Puissant. Il fait ce qu'il veut. Et au jour de la résurrection, il montrera sa toute-puissance à toutes ses créatures. Et demandera: où sont les jabbaroun? Où sont ceux qui se croient puissants? Où sont les orgueilleux? Liman al-mulku al-yawm, à qui appartient la royauté aujourd'hui? Et donc, ici on comprend, barakallahu fikoum, l'importance de se préparer pour ce jour grandiose et d'adorer une seule et unique divinité, un seul et unique Dieu, Allah tabaraka wa ta'ala. Et aussi, barakallahu fikoum, on voit dans tous ces textes un point qui est aussi important: le fait d'affirmer les attributs d'Allah azza wa jal. À travers ces textes, on affirme les mains d'Allah azza wa jal, qu'Allah a deux mains. Ça, les gens de la Sunna, ils affirment les deux mains d'Allah azza wa jal. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala, dans le Coran, il nous dit, en répliquant à ceux qui ont profondément manqué de respect à leur Seigneur, à leur Créateur, وقالت اليهود يد الله مغلولة. Et les Juifs dirent que les mains d'Allah sont fermées. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. Que leurs mains soient fermées et qu'elles soient maudites pour ce qu'ils disent, pour ce qu'ils ont dit. بل يداه مبسوطتان. Il nous dit, mais au contraire, ses deux mains sont ouvertes. ينفق كيف يشاء. Il dépense comme il le veut. Et donc les gens de la Sunna affirment les deux mains d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Wa alaykoum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ils ne rejettent pas cela, comme les sectes déviantes, parmi l'établir et autres, qui vont rejeter les mains d'Allah azza wa jal. Et que vont-ils dire lorsqu'on va arriver au sujet des droits, les droits d'Allah tabaraka wa ta'ala? Les gens de la Sunna vont affirmer les droits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et certes, il y a certains textes qui nous citent trois droits, certains textes nous citent cinq droits. Il y a aussi un texte qui cite six. Le texte qui en cite six n'est pas authentique. Tayyib, est-ce qu'on va dire que Allah tabaraka wa ta'ala a cinq droits? Barakallahu fikoum, mon cher frère ou chère sœur. Nous affirmons ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a affirmé pour lui-même. Et donc les textes nous montrent qu'il a cinq droits. Est-ce que nous pouvons affirmer plus que cela? Non. Mais est-ce que nous le rejetons? Non plus. On ne peut pas dire que Allah n'a que cinq droits. Et on ne peut pas dire que Allah a plus que cinq droits. Pourquoi? Parce que Allah ne nous a pas informé de cela. Il ne nous a pas informé de cela. Il nous a informé qu'il a deux mains et qu'il a cinq droits. Et donc nous n'avons pas à dire d'Allah tabaraka wa ta'ala ce que nous ne savons pas. Et nous n'avons pas à dire, ah mais si on dit que Allah a cinq doigts, ça veut dire qu'il ressemble à ses créatures. Non, laysa kamithlihi shay, rien ne lui est semblable. Rien ne lui est semblable tabaraka wa ta'ala. Et donc nous affirmons les attributs d'Allah, les attributs de perfection, nous affirmons la toute-puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala et que personne ne mérite l'adoration en dehors de lui. Et donc comme on voit clairement dans ces passages, il y a l'obligation de se préparer pour ce jour terrible. Aussi, il y a une divergence. Il y a une divergence, barakallahu fikoum, chez les gens de la Sunna concernant la main gauche d'Allah. Et donc les gens de la Sunna, ils sont unanimes sur le fait que Allah est deux mains. Cependant, il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Kilta yadayya rabbi yaminun mubaraka » Et donc, les deux mains de mon Seigneur sont droites, bénites. Et donc ici, barakallahu fikum, il y a une divergence. Certains savants vont dire que Allah a deux mains droites. Les deux mains d'Allah sont droites. Et d'autres savants vont dire non. Puisqu'il y a ce hadith dans Sahih Muslim qui montre que Allah tabaraka wa ta'ala a une main gauche. Et donc les autres vont dire, mais comment voulez-vous allier entre les deux hadiths? Le fait que Allah azza wa jal, dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dise que Allah est deux mains droites et que cela est venu avec un degré d'authenticité supérieur au hadith qui cite la main gauche et qu'il n'y a qu'un seul hadith qui cite la main gauche et une multitude de hadiths qui parle de la main droite, et ou alors, lorsqu'on parle de l'autre main, il est cité el-okhra, l'autre main, mais il n'est pas précisé que c'est une main gauche. Et donc certains savants vont juger que le hadith concernant la main gauche est faible. Et d'autres vont dire, non, il est authentique. Il est authentique, la chaîne de transmission est authentique. Comment on fait pour allier entre les deux hadiths? C'est simple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que les deux mains d'Allah sont droites, bénites. C'est-à-dire que, barakallahu fikum, souvent lorsqu'on parle concernant l'être humain, on va parler donc de sa main droite et de sa main gauche. Que sa main droite va être utilisée pour tout ce qui va être valorisé. Par exemple, le fait de saluer quelqu'un, il va utiliser sa main droite. Le fait donc de saisir le mushaf ou autre. Mais par contre, il va utiliser sa main gauche pour tout ce qui va être moins valorisé. Comme le fait de se nettoyer après avoir fait ses besoins. Il va utiliser sa main gauche. Et donc, on va avoir donc cette main droite qui va être plus honorable que la main gauche. Ça, c'est concernant l'être humain. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre cela lorsqu'il nous parle des deux mains droites. C'est-à-dire que Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas comme ses créatures. Il n'y a pas donc une main qui est utilisée pour les mauvaises choses, etc., etc. Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas comme ses créatures. Et aussi, d'autres savants, ils utilisent le fait que parfois, ou souvent, beaucoup de personnes vont être plus à l'aise de la main droite que la main gauche, vont avoir plus de force dans la main droite que la main gauche. Eh bien, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous dit les deux mains d'Allah sont droites, c'est-à-dire qu'il rejette cela. En fait, il rejette la faiblesse de la main gauche. Il rejette les manquements et les défauts de la main gauche, mais on affirme la main gauche. Donc ça, c'est un des avis des savants de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Taïb, si une personne nous demande comment est la main d'Allah, tabaraka wa ta'ala, comment sont ses doigts, on répond, Allahu a'lam. Allah ne nous a pas informé de cela. Il ne nous a pas informé de cela, il ne nous a pas chargé de connaître cela, puisque il ne peut pas nous charger de ce que nous ne pouvons pas savoir. Et donc il est important, barakallahu fikoum, qu'on ne rentre pas dans des sujets qui nous sont interdits. Et ensuite l'auteur qui nous cite un autre texte, qui nous dit « Wa ruwiya an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. » Et donc, il nous cite ici Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qui dit « Les sept cieux ainsi que les sept terres ne sont, ou du moins sont, dans la main d'Allah tabaraka wa ta'ala, la main du tout miséricordieux, comme un grain de moutarde dans la main de l'un d'entre vous. » Et donc ça nous montre encore la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Les sept cieux et les sept terres, dans la main d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme un grain de moutarde dans la main de l'un d'entre nous. Wa qala ibn Jarir, haddathani Yunus, qala akhbarana ibn Wahb, qala ibn Zayd, qala haddathani Abi, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mas samawati as-sab'u في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس قال وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. Et donc ici il cite une chaîne de transmission qui part donc de Ibn Jarir qui monte jusqu'au prophète صلى الله عليه وسلم qui dit: Les sept cieux ne sont dans El Kursi. El Kursi, c'est quoi El Kursi? Hein? Non, El Kursi, c'est pas le trône. Il y a une différence entre El Kursi et El Arsh. El Arsh, c'est le trône. El Kursi, c'est quoi? El Kursi, dans la langue arabe, c'est chaise. Mais ici, c'est pas chaise. Ibn Abbas, radhiyallahu anhuma, il a expliqué El Kursi. Il a dit mawdi'u al-qadamayn. C'est le repose-pied. D'accord? C'est le repose-pied. Mawdi'u al-qadamayn. Tayyib. Et donc ici, jazakumullahu khayran, il nous dit donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sept cieux sont comparés au repose-pied comme sept darahim, sept dirham qui sont jetés dans un bouclier. Un bouclier, c'est assez grand, c'est pour protéger une personne. Et donc, tu poses un bouclier par terre, et tu jettes 7 dirhams dedans, c'est rien du tout, ça ne prend pas de place. Et donc, les 7 cieux comparés au repose-pied ne sont que comme 7 dirhams qui sont jetés dans un bouclier. Et ensuite, Abu Zar qui dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, et le repose-pied comparé au trône, fil arsh, le repose-pied comparé au trône, est comme une halqa min hadid. Halqa min hadid, donc c'est un cercle en métal, comme une bague, comme un cercle en métal qui va être jeté sur une terre déserte. Un cercle en métal qui va être jeté sur une terre déserte. Et donc tout ça pour nous montrer que le trône d'Allah tabaraka wa ta'ala est gigantesque. Le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala est gigantesque. Et le fait qu'on médite sur la grandeur du trône d'Allah, tabaraka wa ta'ala, cela nous montre la grandeur d'Allah. Cela nous montre la puissance du créateur du trône. Et ensuite, l'auteur qui nous dit, wa an ibn Mas'ud, qala bayna as-sama'i ad-dunya wallati taliha 500 am wa bayna kulli sama'in wa sama'in 500 am wa bayna as-sama'i as-sabi'ah wal kursiy 500 am wa bayna al-kursiy wal ma 500 am wal 'arsh fawqa al-ma wallahu fawqa al-'arsh لا يخفى عليه شيء من أعمالكم أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن ذر عن عبد الله. Et donc ici encore un autre texte qui nous montre la grandeur et la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala à travers ses créatures. Ibn Mas'ud radiallahu anhu qui dit, entre le ciel le plus bas, donc le ciel de ce bas monde, et celui qui le suit, il y a 500 ans. Et entre chaque ciel, il y a 500 ans. Et entre le septième ciel et le repose-pied, il y a 500 ans. Et entre le trône, ou du moins entre le repose-pied, et l'eau, entre le repose-pied et l'eau, il y a 500 ans. Et le trône est au-dessus de l'eau. Et Allah est au-dessus du trône. Rien ne lui est caché de ce que vous accomplissez, de vos œuvres. Et donc ici, ce texte, barakallahu fikum, il nous montre plusieurs choses. Là, donc cette grande distance qu'il y a entre ces cieux, cela nous montre la puissance de celui qui a créé les cieux, la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala, et aussi le fait que Allah connaît toutes choses. Il est au-dessus des sept cieux, au-dessus de l'eau. Au-dessus de l'eau, il y a son trône. Il est au-dessus de son trône tabaraka wa ta'ala, et rien, nous ne pouvons rien lui cacher de ce que nous faisons. Il sait tout, il connaît tout, malgré cette grande distance qu'il y a. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, il est le tout puissant. Ceux qui ont fait du polythéisme, ceux qui vont adorer des créatures, ceux qui vont demander de l'aide à al-Badawi, ou à Sidi Foulen, ou à un autre, ou à Isa alayhi salam, n'ont pas estimé Allah tabaraka wa ta'ala comme il devrait l'être. Ensuite, l'auteur qui continue ici, donc il nous cite un hadith donc qui est faible. Je vais quand même le lire inshallah ta'ala. An al-Abbas ibn Abd al-Muttalib qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hal tadruna kam bayna as-sama'i wal-ard qulna wallahi wa rasul qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. D'après Abbas ibn Abd al-Muttalib, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que vous savez quelle distance il y a entre les cieux et la terre, entre le ciel et la terre? Nous dîmes, Allah et son messager sont plus savants. Qala baynahuma masiratu 500 sana wa min kulli sama'in ila sama'in masiratu 500 sana. Et donc le messager et donc les compagnons ils ont dit, Allah et son messager sont plus savants. Là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, il y a entre le ciel et la terre 500 ans. Et entre chaque ciel, il y a donc un voyage de 500 ans. Wa kisafu kulli sama'i masiratu 500 sana. Et l'épaisseur de chaque ciel, donc là c'est pas seulement l'espace qu'il y a entre un ciel et un autre, mais c'est l'épaisseur de chaque ciel est de 500, d'un voyage de 500 ans. Wa bayna as-sama'i as-sabi'ati wal 'arsh bahrun bayna asfalihi wa a'lahu kama bayna as-sama'i wal ard. Et certes, il y a entre le septième ciel et le trône une mer. Il y a une mer entre les deux. Et le plus profond, le plus bas de cette mer, la distance qu'il y a entre le plus bas, la plus basse partie de cette mer et sa partie supérieure est aussi comme la distance qu'il y a entre les cieux et la terre. والله سبحانه وتعالى فوق ذلك. Et Allah سبحانه وتعالى est au-dessus de tout cela. وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. Et aucune des œuvres des descendants de Adam ne lui est cachée. Allah تبارك وتعالى أخرجه أبو داود غيره. Hadith rapporté par Abu Daoud et d'autres. Et comme je l'ai cité tout à l'heure, donc ce hadith est faible, mais on a déjà vu donc l'autre hadith qui va dans à peu près dans le même sens, qui est authentique. Barakallahu fikum. Et donc ici on a fini de citer donc les textes qu'a cité l'auteur dans ce dernier chapitre pour nous montrer la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala, et que en réalité barakallahu fikum, tout manquement que on va avoir est lié à ce sujet. Tous les péchés que nous allons faire vont être liés à ce sujet. Toutes les fois où on va s'accrocher à des créatures d'Allah d'une manière qui est réprimandable va être liée à ce sujet. À chaque fois qu'une personne va faire du polythéisme, ou qu'il soit du polythéisme majeur ou mineur, que ce soit les grands péchés ou les petits péchés, que ce soit les innovations, tout cela va être lié à ce sujet, le fait que les gens n'ont pas estimé Allah tabaraka wa ta'ala comme il se doit. Car celui qui se rappelle de la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala va le craindre et va s'efforcer de suivre toutes les recommandations d'Allah tabaraka wa ta'ala, de s'éloigner de tout interdit, de chercher à adorer Allah tabaraka wa ta'ala comme Allah nous l'a montré et pas comme une créature veut nous faire, ou du moins pas comme une créature nous a montré, mais comme Allah tabaraka wa ta'ala nous a montré à travers son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ce chapitre, barakallahu fikum, il est très important. Très important, et c'est une très bonne chose qu'a fait l'auteur, rahimahullah, de finir ce livre avec ce chapitre. Et nous, jazakumullah khairan, ô chers frères, on va remercier Allah tabaraka wa ta'ala pour ce grand bienfait qu'il nous a accordé, le fait de nous avoir permis de finir ce livre. Le livre de l'unicité, qui est le meilleur livre qui a été écrit après le livre d'Allah. Et donc, c'est le meilleur livre qui a été écrit dans le sujet du tawhid. Dans le sujet du tawhid. C'est le livre le plus complet sur ce sujet. D'où le fait qu'on a pris autant de temps pour l'enseigner et pour le terminer. Et donc, on remercie Allah tabaraka wa ta'ala parce que c'est quelque chose de très important pour nous ici en Martinique qu'on connaisse ce sujet. Qu'on connaisse le sujet du tawhid. Taïb, on a fini le livre une fois. Est-ce que ça veut dire que le sujet, il est maîtrisé? Non. Non, le sujet n'est pas maîtrisé. Voilà pourquoi on va réaborder le sujet encore avec d'autres écrits sur le tawhid, aussi encore pour réviser ce sujet, car on a besoin de le maîtriser, barakallahu fikoum. Et aussi, si on peut reprendre encore l'explication de Kitab al-Tawhid, mais cette fois-ci avec une explication plus concise et plus résumée, on le fera aussi, incha'Allah ta'ala, parce qu'on en a besoin. On en a besoin. On remercie Allah tabaraka wa ta'ala pour ce grand bienfait qu'il nous a accordé, et on lui demande de nous accorder encore plus de sciences profitables. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.